peux tout blesser. D'étendre les bras pour voler dans le ciel de ses yeux, pour ne plus jamais retomber. On peut toujours essayer, toi et moi, de s'aimer dans nos bras restés serrés. On peut toujours essayer de repeindre le monde entier, chacun la couleur qui lui plaît, pour ne plus jamais l'effacer. On peut toujours essayer de tout oublier sur la route de trace. Ne plus jamais se retourner. On peut toujours essayer de marcher à l'envers, le monde regarde, pour ne plus jamais pleurer. On peut toujours essayer de courir les yeux fermés, avoir peur de tomber, pour ne plus jamais s'arrêter. On peut toujours essayer. Thank you.